avant-dernière, enfin dernière doublette pour l'émission de ce soir, ce qu'on se quittera avec un morceau tout seul. Aids Maze, tout d'abord, formation qui nous vient de Stockholm. On est sur du Doomstoner qu'on a déjà présenté, assez évident dans les inspirations musicales. Blinded by the Wicked, c'est le nom de ce troisième effort studio. Il est déjà disponible. Et ensuite, Cryptospital. Là, on est sur quelque chose de bien différent. Ça nous vient du Bélarus. C'est du black metal, c'est un one man band et c'est le troisième album studio parce que le gars est ultra prolifique, The Epitome of Dystopia, le titre de Cryptospital. Donc l'album est également déjà disponible. On s'est écouté le titre Harvest of Souls et juste avant ça Aids Maids avec le morceau Ceremonial Aspersion. C'est parti. Et voilà, on va se quitter, ou du coup on va finir un petit peu plus tôt ce soir, mais c'est pas grave, c'est dimanche soir, il est tard, et puis on a envie d'aller se coucher aussi, avec Pestilectomy, très très bon groupe de Brutal Slam Death qui voisine entre les États-Unis et l'Allemagne. Un petit power trio bah, bien efficace, hein, avec des mecs qui ont de la bouteille, hein. On retrouve le vocaliste qui est passé par notamment Cerebral Incubation et Decimated Humans. On retrouve le batteur Félix qui a cogné dans Chamber of Malice et surtout dans Dragging on Trails. Et le guitariste qui est passé par notamment Chuck Slame. Voilà pour Pestilectomy. Le titre est extrait de leur premier album studio longue durée, From Venerable to Funeral. Et pour le coup, le titre de ce soir, on retrouve en guest Mr. Sean Whitaker. Bien sûr, la voix notamment de Viral Load, très très bon groupe de Brutal Death Grind ricain. Pestilectomy, From Venerable to Funeral. Et ben, on va s'écouter le titre de l'album. Il est déjà dispo chez Reality Fed Records. Sur ce, excellente fin de dimanche soir à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission en différé. Ciao, ciao.